Nani Wana, à l'heure de TV5, Nan Claudicia, featuring de l'année, ma koufila langue ziri, ma papa katamandi. Dans mon pays, à la télé, les noirs sont sapés. Ils veulent exister, quota ou pas, honneur et respect. Cherche ta place, trouve ta place, mais n'aie pas d'ambition. Ici on n'est rien ou si peu, alors Soukoum et des canons. Niger, Rwanda, Cap-Vert, Burkina, Mali, Burundi, Guada, Madina. Quelle couleur faut-il pour être respecté ici? Jamais la France n'avait affiché autant de mépris. C'est à nous de comprendre, de lutter pour nos enfants, tous nos enfants, car l'avenir est en danger. Eh, mais c'est déjà fini? Ah bon? On y va. Toléga, Toléga, Toléga, Toléga. Sénégal, Côte d'Ivoire, RDC, Guinée. Ça, c'est le zouké décalé.